Hey, moi je veux. Ce monde est incroyable. On vit dans un bordel. Tu cherches la bagarre. Y'a mes négros dans le cortège. On le fait pour la monnaie. Quand s'agit de bif, on rate jamais la peine. La vision est dark, idée de génie. Le flow est immortel. Comme un garçon, je suis in the business. Encore riche, nouveau millionnaire. Tu parles trop, tu te fais du mal. Si tu me cherches, je suis dans mon périmètre. Envie d'amour et on meurt de haine. Beaucoup de déceptions, cœur est périmé. On se reverra dans l'au-delà. Mais pour l'instant, c'est nous les patrons. Yeah, yeah. Ce monde est incroyable, on vit dans un bordel. On nous porte l'œil, on a déjà du mal, on s'en fout des problèmes. On vit de nos décisions, la vie sera encore belle. Et si t'as du mal avec Dile, m'appelle-moi mon Javel. Peut-être dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. Petit nous dit de Jess, négro à John, piraterie. Tu fais le dress, t'inquiète, ça on l'a bien compris. Ils parlent de nous, sans même envie de tester l'artiste. Comme des légumes dans la sauce, ils croient qu'ils sont chauds, mais ils sont cuits. Venu, on va aller à Paris, combien tu comptes valides. Remplis les barriques et faire le safari. Tu prends des Big Danny, veulent me comparer, bandit dans des tarifs. Si tu me rends en concert, tu connais le tarif. Sans même pas d'armes, ils jouent les guitaristes. Sans même pas d'armes, ils jouent les guitaristes. Ah, c'est game et je suis que dedans. T'es vilaine, t'es mignonne, on chicote dedans. Kasama, Atoya, ma puissance, t'as reconnu le plus fort, t'es myope. Ok, on comprend. On finit le boulot, on refait la mise. On connaît la vision, entend vous ce qu'ils disent. On fait l'argent, le rap, le beat. Ils connaissent pas, c'est le mot j'avais. Numéro 1, c'est la vision, sur la vision, qu'on mise. Faut les quadrats des émissions, frère, ton rap, il est bidon. On a tourné les visions, on récupère les éditions, c'est des gros pas trop. Après le ramadan, c'est ma responsabilité. Au calmar, la consommation en marche. Casse-moi,